À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap, elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Dossé. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Dossé, c'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue dans le Planet Rap consacré à Dossé qui vient pile poil d'arriver. Comment on va? Ça va? L'homme qui tombe à pic. Pile poil, j'allais dire, à l'instant, qui représente sa ville Orléans avec la magnifique suite que tu portes en ce moment, en mode cavalier. Il y a toute une équipe là qui est en train de monter. Une équipe d'Orléans aussi? Ouais. Ok, bah on va pouvoir découvrir un petit peu tout ce qui t'entoure. Yes. On écoutera ce soir le morceau d'ailleurs que tu dédies à ta ville. Orléans. Voilà, featuring Pepelo, c'est McCoy. Et bah c'est dans un instant. Et juste avant de débuter ce Planet Rap, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir avec Dossé. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. C'est ta première semaine de Planet Rap, après un long parcours. Ouais, depuis le temps. Depuis un sacré moment. Il fallait. Hein. Depuis quoi? 2003-2004, les tout premiers. 2004, les toutes premières mixtapes qui sont arrivées. Exactement, première mixtape, première compile, etc. Ben, t'es ma cabré, Kaira, laisse ta calme. Planète Rap. Perestroïka. Lourd. Bon, on dit quoi? Mixtape, on dit album? Qu'est-ce qu'on dit sur ça? C'est une mixtape, frère. C'est une mixtape. Ouais, une mixtape. C'est une grosse mixtape. C'est une grosse mixtape, quoi. C'est une grosse mixtape, tu vois. Une grosse mixtape. Une mixtape albumistique. Avant l'album. Comment t'as trouvé ce parcours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la sortie de Perestroïka? Long? Trop long? Ouais, trop long. Je pense que c'est jamais trop long, en vrai, tu vois. L'important, c'est qu'au final, t'y arrives, tu vois, c'est tout. Non, il a été long, il a été comme il est, tu vois. Il m'a formé. Ouais, c'est ça l'important. T'as c'est ça le plus important. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience et des leçons. Planet Rap. Jury. Je suis pas obsédé que par l'argent, non, Igo, je veux aussi de l'or. On va tous crever un jour ou l'autre. Donc je vis la nuit, comme dit mon négro Blueser. Je les veux le boire, mais ils attendent après la pluie. Planet Rap. C'était quoi justement les premiers souvenirs rapologiques d'Ossé que t'as en tête? Premiers souvenirs rapologiques que j'ai en tête. Rap français plutôt, rapricain? Ouais, plutôt rapricain. Moi j'ai commencé par le rapricain, tu vois. Et moi je suis un bousier de Tupac. Ah, Tupac. Tu vois, quand j'étais petit, moi c'était Tupac. C'était Tupac mon grand. Ouais. Donc ouais, voilà, c'est surtout ça. Bon, ça a beaucoup marqué en même temps, Tupac. Ouais, bien sûr. Ça a marqué toute ma génération. En français, c'était qui toi? T'écoutais qui? Bah, tous les mecs de l'époque, hein. Donc tout ce qui est Secteur A, les IAM, Funky Family, tout ça, même 3ème œil, tout ça. Mais moi, t'as vu, je vais pas te mentir, hein. Moi, la première fois que j'ai écouté du Pera, en tout cas à la radio, c'était à Skyrock. Tu vois? C'est bien, mais il y a aussi beaucoup de gens. Hein. J'avais peut-être 11 piges, un truc comme ça, tu vois. Donc voilà. Donc tout ce qui passait à l'époque, Dabrat, tous ces trucs-là. Ah oui. Ouais, à l'ancienne, tu vois. Missy Elliott. Ouais, voilà. Planet Rap. Je rappe comme si c'était mon dernier droit. Je rappe comme si c'était ma dernière droite. Vie comme si c'était ma dernière nuit. Baisse comme si c'était ma dernière fois. Je rappe comme si c'était mon dernier droit. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. T-Max, cabré, Kaira, laisse ta canne. Air Max, craqué, sur vête poche pleine de style. Et que j'ai l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chances d'attraper le DAS que de gagner au loto. Dans le bendo, bénéfice bloqué dans le matelas. Billet bleu, billet jaune, billet pourpre. Le Zankoum, téléphone du Carp là. Déjà 4 piges qui n'étourent. Mission rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. Avec Dossé, le projet Perestroïka qui est dans les bacs depuis hier, c'est qui ça. Marche fort, le projet ça va, tout se passe bien pour toi, tu es content? Ouais, ça va. Un petit mot quand même sur le nom Perestroïka, pourquoi tu l'as appelé Perestroïka? Parce que Orléans n'est pas près de Moscou. Hein, pour ceux qui savent pas, ça signifie reconstruction en russe. C'est un petit parallèle que je voulais faire par rapport à ma carrière. Et voilà, qui je l'estime est en reconstruction entre guillemets. Ah ouais, reconstruction carrément. Ouais, reconstruction, tu vois. C'est pas une évolution, c'est si, plus. Après tu connais, c'est un terme fort pour un projet fort. Donc voilà, reconstruction. Donc c'est vrai que c'est un moment charnière de, parce qu'on le disait hier, ça fait plus de 10 ans que tu rappes maintenant. Ouais. Donc c'est un moment important, il faut savoir passer, ouais, c'est clair. Gravir une étape supplémentaire. C'est exactement ça, c'est un passage de cap. Passage de cap obligé, donc si Dieu veut, tout se passera bien. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'ailleurs la signature chez Def Jam? T'es signé chez Def Jam maintenant? Ouais. Def Jam France? Ouais, depuis quelques mois là. Depuis quelques mois. Ça m'a apporté une bonne logistique. Une bonne logistique. En gros, voilà, t'as vu une bonne structure pour pouvoir bosser tranquillement. Pas être stressé, voilà. Parce que ça, quand on travaille en indépendant, il y a beaucoup de stress. Ouais, normal, puisque tu t'es au four et au moulin en fait. Ouais. Tu t'occupes de ton artistique, en même temps, faut que tu calcules le marketing que tu peux faire. Le soir tard, faut aller coller de l'affiche. Ouais, bon ça je l'ai rarement fait, mais en gros, c'est ça. Non, mais il y a ça aussi, oui. En indé, t'es obligé de faire tout ça, et c'est toi qui gères tout ça, donc c'est compliqué, tu vois. Donc là, il y a une partie, oui, qui te soulage un petit peu. Ouais, totalement. Là, je suis concentré que sur mon artistique. En tout cas, j'essaie de me concentrer que sur l'artistique. Que là-dessus. Ouais, voilà. Le projet qu'on découvre ce soir entre 20 et 21, on va d'ailleurs débuter avec un morceau et puis tu nous présenteras tes invités aussi. Pas de soucis. Dans quelques minutes, on débute avec le Bendo. Bendo. Allez, Bendo maintenant sur Skyrock. C'est Dossé. Deux en blue, paire de Dita sur le pif. Troisième doigt levé juste pour le kiff. Tous les jours mes frères sont dans le bendo. C'est un pour la monnaie, deux pour le bif. Je crois bien qu'il est temps que je change de ce pull. Mon bigo commence à me faire des faces chelou. Je crois bien qu'il est temps que je change de te puce. Elle s'y m'a pris pour son raclo, ça vient grave relou. On arrache pas de vieille, pas de ça chez nous. Charbonne tout l'hiver pour faire l'été à Cap Salou. Toutes sortes de dope, coke, weed, hash, caillou. Toutes sortes de bolos, bob, tourneau, noir, rebe, pas de jaloux. Je pense cesse, extra quand j'ai pas d'oseille. Je mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Benzo. T'es ma cabré. Et je fais l'art de la coco. C'est que j'ai plus de chances d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bando. Bénéfice planqué dans le matelas. Billet bleu, billet jaune, billet pourpre. Les incoums, téléphone du carpla. Déjà 4 piges qui n'étourent. Soir c'est tous mes youvois sont de sortie. Bouteille à la bleue, taga même si personne tisse. Récuse, belvé, tombé. Insolent, effronté, même ta belle est domptée. On veut pas finir en chien comme tous ces graves en schlagué. Rien que les feux que prennent en photo, ils sont graves aux aguets. Mais nique sa mère, on tape la démarche, on est salement swagué. Plaque et DG, Givenchy et Balenciaga. J'pense cesse extra quand j'ai pas d'oseille. J'mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Benzo. T'es max cabré. Taïra, laisse ta calme. Air max craqué. Sur bête poche, c'est le train toute la night. Et je fais l'art de la coco. C'est que j'ai plus de chances d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bendo. Dans le bendo. Crois pas qu'on joue. Dans le bendo. Si je traîne toute la night. Et je fais l'art de la coco. C'est que j'ai plus de chances d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bendo. Dans c'est la famille. Joue DJ Core. Pas jaloux. Il y en aura pour tout le monde. RSBO et K. C'est Dossé avec nous toute la semaine et ce morceau Bendo que tu traduis comment toi Bendo? Je suis dans le Bendo. Bendo c'est en fait chez les Caribes, Bendo c'est une maison abandonnée où ils vendent de la drogue, tu vois. Donc après t'as vu transposé en France, on dira c'est les quartiers en vrai. C'est les quartiers ouais. Tu vois, c'est le terrain on va dire. C'est le terrain. Bendo. Et bah Bendo avec nous des gens de terrain aussi ce soir j'ai l'impression. Oui, ouais. Dossé autour de toi. C'est ça. Alors que Core fait son entrée après avoir balancé le son DJ à l'instant. Core. Le son signé DJ Core. L'homme par qui vient le scandale. Voilà. Encore ? Ouais, c'est ça. Non, je disais, il y a du terrain ce soir de C, il y a des gens qui t'accompagnent qui sont d'Orléans aussi, ouais, de ta ville. Ouais, je suis venu accompagné de gars à moi, donc bah de gens présents sur le projet Perestroika. Donc il y a mon gars Pepelos à ma droite. Ça va bien Pepelos ? Ouais, ça va. Ça va en pleine forme ? Toujours. Petite présentation, tu l'as fait la présentation de Pepelos ? Ouais, bah Pepelos c'est un rappeur de ma ville. un rappeur d'un quartier qui s'appelle La Source à Orléans. Mmh. Et voilà, il représente le collectif 45 LS. C'est un mec. Quelqu'un qui t'a connecté il y a un petit moment déjà, je suppose. Ouais, non, mais on se connaît en dehors du rap, tu vois. On est de la même ville, donc on se connaît depuis longtemps. Et puis voilà, tu vois, c'est mon gars, hors rap. Est-ce qu'il y a un côté soudé justement sur Orléans? Parce que c'est vrai que là on a l'impression ces derniers temps qu'il y a une explosion des villes de province. Alors avant il y avait évidemment l'axe Paris-Marseille, mais là il y a Joke à Montpellier, Gradure qui nous vient du nord, de Roubaix-Tourcoing, toi d'Orléans. Mm. Est-ce qu'il y a quand même un côté solidaire sur la ville? Est-ce que tout le monde se connaît à peu près? Ouais, tout le monde se connaît plus ou moins. Quand on évolue, je parle quand. Peut-être pas forcément quand on débute, mais quand on commence à avoir un peu notoriété, quand on a sorti des projets en indépendant. Ouais. Bon, tout le monde se connaît, tu vois. C'est pas une grande ville non plus, donc tout le monde se connaît. Après, tout le monde n'est pas forcément. Tout le monde s'entend pas forcément, tu vois. Comme partout. Il y a pas une plus grande solidarité chez nous qu'ailleurs. D'accord. C'est comme partout. Il y a des gens qui s'entendent et d'autres qui s'entendent pas. Donc Pepero, c'est un petit point sur le CV Express que t'as sorti, ce que tu vas sortir, ce qui arrive. Bah on va sortir un projet, la qualité, en téléchargement sur iTunes partout. Voilà, il y a un projet qui va arriver, une mixtape qui arrive là pour le mois de juin. Téléchargement. PPDA. PPDA. Voilà quoi. Qui arrive quand? Pour le mois de juin, si tout se passe. Pour le mois de juin. Et on peut te suivre où alors sur Facebook, Peperos, Twitter, Peperos officiel, Instagram, pareil. Peperos, c'est PPROS. Hein, ouais, PPROS. PPROS pour aller cliquer pour en savoir un petit peu plus. Ouais. Bienvenue, on continue le tour de table. Et il y a McCoy présent aussi sur le morceau Orleans qui est censé arriver. Je sais pas, il est où? Ben, on va le trouver. Ouais, bref, il va arriver, il va pas tarder. Il doit être dans les couloirs. Et sinon je suis venu avec deux autres potos aussi, des petits frérots de la ville. Donc il y a Bissour et il y a Agib. Bienvenue à vous messieurs, ça va bien? Ouais, en forme? Ouais, tranquille. Bien, tout se passe bien, c'est important aussi d'être sur des projets comme ceux de Perestroïka, comme celui de Dossé. Après eux ils sont pas sur le projet, tu vois, Bissour et Agib, ils sont pas sur le projet, tu vois, c'est juste des... Bah, en tout cas de venir là autour du projet. Si. Et Cor qui est là aussi. Cor, DJ Cor. Quoi? L'homme par qui le scandale arrive, quel scandale. Ça va Cor? Fini les scandales. En pleine forme? Ouais, ça va. Vous restez bien de bosser avec Dossé? Ouais, cool. Il y a quoi? Il y a un morceau? Ouais, un seul morceau. Juste fait Bendo. Ouais. Celui avec lequel on débute chaque soir. C'est ça. Mais je crois qu'il y a un bon accueil sur le morceau. C'est cool. Ouais, fort. Ouais. Plaisir. Ouais. Bon, toi, comme Dossé, je disais hier, c'est la prod qu'il fallait pour le morceau qu'il fallait. Toi, tu l'as connu il y a un petit moment aussi, Dossé? Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps? Ça fait longtemps que je le connais, Dossé. Bah, il avait bossé avec mon petit frère déjà. Ouais. Avec Belek, sur Vérin, sur Land Personality. Ouais, VIP. Voilà. Et puis voilà, on a des amis en commun, des gens avec qui on travaille. Il y a Oumar qui est là. Voilà, c'est cool. Bon, quelle vision t'as justement de Dossé? J'ai la vision d'un MC qui découpe, tu vois. Et lui qui dit qu'il est en reconstruction là avec son album Perestroïque. Hein. Ouais, mais ça c'est tout à fait normal parce qu'il y a eu une génération, si tu veux, un peu intermédiaire, tu vois, qui ont eu un gros buzz et tout le monde n'a pas transformé l'essai. Mmh. Et aujourd'hui c'est une reconstruction, mais je crois que la reconstruction c'est pour tout le monde à un moment donné, tu vois. Tu te remets en question, tu revois un peu ton délire, ton univers, et après t'avances. Voilà, c'est ça. Et bah Cor est là aussi avec nous, ça va? Tu bosses beaucoup entre Paris, les États-Unis? Ouais, toujours. Toujours? Toujours. Toujours. Ouais, non, il y a plein de beaux projets, je m'amuse bien, tu vois. La Crime aussi. La Crime, là. C'était un des gros cartons de cette saison. Là, on a la mixtape qui arrive, là. Très, très, très, très lourde. Très, très énervé. Et dans le rap français, t'as bossé avec qui d'autre? Alors, il y a Dossé, il y a d'autres choses qui arrivent? Il y a Dossé, ouais, il y a pas mal de choses qui arrivent. Tu vois, après, les projets, je les prends que par kiff, tu vois, quand vraiment j'ai envie de, tu vois, tout le monde m'appelle pour bosser sur des trucs, tu vois, il y a plein de gens qui m'appellent. Après, voilà, tu sais, c'est au feeling et je le fais à la cool. Et bah à la cool, donc ce morceau Bendo qu'on retrouve sur Perestroïka. Sur Skyrock, vos messages avec le hashtag, allez-y, vous balancez aussi vos questions. Bah ouais, pourquoi j'ai pas l'air? Non, je sais pas. C'est toujours en pleine forme. Ouais. Ah ouais, on va en grande forme là, cette semaine, particulièrement. C'est bien, ouais, faut soutenir. Avec le projet Perestroïka qui est sorti hier, on met le morceau Orleans avant de le faire en live tout à l'heure? Vas-y, pas de problème. Alors on va balancer ce morceau, on retrouve justement Peperos qui est là avec nous, McCoy aussi. Ouais. Qui va pas tarder. Il est là. Ah bah il est là. Il est arrivé. Ah bah, il est là. McCoy, vas-y. Bah tu sais quoi, tu vas t'installer, on met le morceau et on parle avec McCoy. Vas-y. Allez, c'est parti. Go! sais pas d'où sort tous ces vitres, ni ce qu'ils recherchent. Hein, pourquoi ce style, toutes ces bites, lèche tous ces derches. Peut-être n'ont-ils pas d'honneur, ni d'amour propre. Mon rap est un appel au meurtre, la rue me porte. Mauvais garçon qui m'entoure, je représente. Souhaite la bienvenue dans le four. Vente, conflit et descente. Orlitz, Orlitz, 45, capitale de la région centre. Y'aura du monde en enfer, no one is innocent. Ces PD ne prennent pas de risques, car ils n'ont pas d'ambition. Faut viser le milliard pour espérer le million. Bitch, cesse les calomnies, j'suis pas ton micheton. Va donc brûler tes calories en te jetant dans de la lave en fusion. Ne badine pas avec nous, mes soldats fument dans les bois. Laisse une daronne en émoi et toute ta clique aux abois. Quatre planches en bois, tu verras comme c'était trois. Fils de pute en réfroid, j'me barre avec le plus gros cul de la réçoit. Orleans, Orleans, roule avec les mecs d'Orleans. Orleans, Orleans, roule avec les mecs d'Orleans. Héros, maro, que cra blanche. Héros, maro, que cra blanche. Vie comme des mecs d'Orleans, crève comme des mecs d'Orleans. Orleans, Orleans, roule avec les mecs d'Orleans. Orleans, Orleans, roule avec les mecs d'Orleans. Héros, maro, que cra blanche. Héros, maro, que cra blanche. Vie comme des mecs d'Orleans, crève comme des mecs d'Orleans. Ma coille. Je réside à la Compton, quartier plus détesté d'Orleans. Posé sous le rat dépisté par les RG, mais je finirai pas dans la cour de Poitarsine. Hôtel Ibis et ma coupe de champagne, que je vide mon sperme dans la chenuxère de cette bitches. ARG en double NE, des cortèges de bécanes, des gros CRF et des bandits. Négro, t'as les sous, moi j'ai le produit. Nique sa mère les raclés, moi je veux des Yankees. Braque ton gain sur moi, que si t'es sûr de me canner, vise pas mes yep, négro, laisse-moi encore sans vie. Les mecs mettent à bouger leur seuf, rien me fera plus bander qu'un petit sac de millions. Le Porsche Panamera va mouiller ta sœur. My nigga, fait avec les échauffants. T'aimes pas, t'écoutes pas mes lyrics hardcore à la Teddy Production. J'connais personne qui peurra comme ma taille d'arc en la cop. Y'a des thunes à se faire avec nos schlags et non pas décrocher. J'vais baiser le rap comme une pute, j'vais plus jamais décrocher. Orleans, Orleans, roule avec les mecs d'Orleans. Orleans, Orleans, roule avec les mecs d'Orleans. Héro, maro, que cra blanche. Héro, maro, que cra blanche. Vie comme des mecs d'Orleans, crève comme des mecs d'Orleans. Orleans, Orleans, roule avec les mecs d'Orleans. Orleans, Orleans, roule avec les mecs d'Orleans. Héro, maro, que cra blanche. Héro, maro, que cra blanche. Vie comme des mecs d'Orleans, crève comme des mecs d'Orleans. J'fais la black music. Rosa bas, c'est le game souris. J'lui mets sa bas. Entrepreneur, négro proprio. Nourrice veille sur la marchandise. La VG est bio. Mauvaise manie, faire du sale. Papa est un gangster, Stomy. Mafia, Tony, drop extra. Les rappeurs sont maqués. Rappeurs sont maqués. Higo sont maqués. Smoke de la baggy. Karik, karik. Ramenez les Yorkies. Tous les rats des laisses. Bloquez vos parkies. Que gras RS. Orlix business. Le crâne en place S, la batterie de vitesse. Fais des 13-22, le proteste 1-2. On baisse tout en 1-D. La concurrence fin 2. Orleans, Orleans, roule avec les mecs d'Orleans. Orleans, Orleans, roule avec les mecs d'Orleans. Héro, maro, que cra blanche. Héro, maro, que cra blanche. Vie comme des mecs d'Orleans, crève comme des mecs d'Orleans. Orleans, Orleans, roule avec les mecs d'Orleans. Orleans, Orleans, roule avec les mecs d'Orleans. Héro, maro, que cra blanche. Héro, maro, que cra blanche. Vie comme des mecs d'Orleans, crève comme des mecs d'Orleans. C'est Dossé, notre invité toute la semaine entre 20 et 21 avec le projet Perestroika sur Skyrock et ce morceau qui s'appelle Orleans avec Peperos, voilà, et Orleans. McCoy qui vient d'arriver aussi. Allez, ça. Tiens, tu nous présentes McCoy, Dossé. Ou il se présente tout seul. Bah ouais, attends, il va se présenter. Ça va bien, McCoy? Ouais, McCoy. Pépère, en forme. Pépère et toi? Bah écoute, Pépéros, pareil. C'est on dit tranquille. Quoi? Tout va bien? Ouais, tout va bien et toi? Petit CV express pour toi, donc t'es d'Orléans aussi? Ouais, pareil. Mmh. Ouais. Ça fait combien de temps que tu rappes? Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui va sortir? Ça fait combien de temps que je rappe? Ça fait depuis quoi? Depuis 2009. Et ouais, là j'ai des projets à venir. Donc là j'ai posé son Perestro et 4 dossiers. Non, pour l'instant, on a rien sorti encore. Pour l'instant, j'ai rien sorti. Quelques ouais. Street clips sont sortis là, que tu peux voir sur YouTube. Puis c'est tout. Et là, le reste à venir. Donc c'est pour la courant de l'année 2015. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Et pour tuer McCoy, où est-ce qu'on peut aller se brancher sur McCoy officiel sur tous les réseaux sociaux. Insta, Twitter, Facebook, McCoy officiel. C'est MCKOY. Voilà. MCKOY pour aller rejoindre. Ouais. Et Pepperos, c'est PPROS, je le disais tout à l'heure, qu'on retrouve aussi sur ce morceau Orleans à l'instant. Yes. Entre 20 et 21. Je voulais juste avoir aussi ton avis, Core, comme tu es là et comme tu travailles beaucoup aussi avec les États-Unis. Comment tu juges? On parlait en effet qu'il y a une espèce de renouveau, même en province, donc évidemment Dossé Orléans. Joke Montpellier, Gradure dans le Nord. Comment toi tu juges la scène quand il y a toujours une oreille, un coup aux États-Unis, un coup en France? Est-ce que le niveau aussi augmenté, même au niveau des prods, je parle, au niveau des productions musicales? Au niveau des prods, en France, on a toujours eu des bons producteurs, je trouve. En fait, il y a eu un passage pour moi où les producteurs étaient beaucoup plus en adéquation avec ce qui se passait aux États-Unis que les rappeurs. Et aujourd'hui, je trouve que, tu vois, quand j'écoute Dossé ou d'autres, je vois ce qui se passe, tu vois, sur Atlanta. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des influences très Atlanta aussi. Ouais, clairement. Ouais, moi, je suis un mec d'Atlanta, frère. T'es un mec d'Atlanta. Clair. Ou Gradure, ou moi, j'étais là-bas il y a pas longtemps. Et c'est vrai que quand je suis en studio, on a bossé avec Young Scooter, avec Pee-wee Longway, tu vois. Vraiment les mecs qui font la scène d'Atlanta. Quand je reviens ici, si je suis en studio avec Dossé ou d'autres rappeurs de cette génération, je suis encore sur le même fuseau horaire, tu vois. Il n'y a pas vraiment de décalage, tu captes. Donc non, pour moi j'y vois que du bon et c'est chambé, ouais, y a pas. Est-ce qu'il y a aussi quand même une spécificité, parce que c'est vrai que Dossé dit qu'il y a clairement une influence d'Atlanta, mais est-ce que tu trouves qu'il y a quand même une spécificité française quand t'écoutes Dossé rapper? C'est pas qu'une simple copie de ce qui peut se passer à Atlanta. Dossé, ce qui est bien, c'est que en plus de. T'as aujourd'hui le rap, il y a un truc assez rare, c'est que. Plus c'est Golemont, plus on aime. Non, Dossé, tu vois ce que je veux dire. C'est de la punchline et tout. Après, ce que lui, là, en plus, c'est qu'en plus de ses gimmicks forts, il y a des thèmes. Tu vois, il y a quand il s'agit de se poser sur un truc sérieux, ou c'est ce qui fait la différence aussi entre un bon rappeur et un mec qui est là juste sur une trend, tu vois, sur un concours de punchline, quoi. Ouais, tu vois. Et si demain je fais un morceau avec Dossé, je lui dis voilà, là, t'as vu, ça va être un morceau, je sais pas, sur ce qui se passe en ce moment, je sais pas, sur la montée du FN en ce moment, par exemple, tu vois, ou. Je sais que ça va être autre chose. Ça va pas être que des trucs de club, de banger, et c'est ce qui fait aussi la diff. Il y en a c'est pas ça. Beaucoup par contre comme ça. Ça t'y penses? Parce que c'est vrai que c'est un projet qui est un peu particulier. Tu disais c'est un peu l'esprit mixtape, donc un peu toujours dans l'esprit. Non, moi c'est pour ça que ça c'est une mixtape et que je vois pas ça comme un album. Tu vois, parce qu'un album c'est travailler autrement. Tu avec vois, d'autres thèmes, plus de thèmes. Thématiques, il y a plus de même musicalement c'est plus pointu. Là c'est vraiment. C'est vraiment du gros exercice de style avec quelques pistes pour le bon mal, donc des morceaux comme L'âge de nos actes ou comme Scarlin, qui donne un petit peu des pistes voilà. Mais en gros voilà, c'est pour kicker du gros son de voiture, du gros son de club. Et on écoutera d'ailleurs un autre gros son. Et toi, la scène, tu la vois comment, toi, cette scène-là? Des années, maintenant. Moi, je te le dis, je trouve que justement, il y a un renouveau et ça fait du bien aussi d'avoir des gens de province, parce que c'est ce que je dis à Dossé depuis le début de semaine. On a toujours eu cet axe Paris-Marseille qui a toujours existé. Et là, c'est bien aussi que ça commence à éclore un petit peu. Bon, on le disait à Roubaix avec Gradure, Joke à Montpellier, puis partout ailleurs aussi. Hein, je sais que ça bouge pas mal et qu'il y a différents projets qui se préparent un peu partout. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ouais, c'est charmant. Après, c'est vrai qu'on verra aussi comment évoluera cette scène. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup, en effet, le côté trap, côté Atlanta, ce fameux concours de punchline, et que tu peux pas faire non plus 3, 4, 5 albums non plus comme ça. C'est sûr. Il faut aussi développer d'autres. Même thèmes. Un album, tu peux pas le faire comme ça en vrai. pour moi, tu peux pas faire un album comme ça. Ouais, faut varier. Faut varier un petit peu, ouais. Ouais, faut varier. Et toi, ce sera le cas sur l'album qui est prévu? Ce sera fort le cas. En 2015, fin d'année 2015. Ouais, Inch'Allah. Bon, un morceau qu'on écoutera dans quelques minutes. On parlera aussi de ce morceau qui a fait beaucoup réagir à cause du titre. Ouais, vite fait. Illuminati, ça, c'est le côté tout, fantasme. On est dans une espèce c'est de. C'est totalement ça. De et société c'est... secrète. C'est pour ça que j'ai pris ce titre d'ailleurs. Le morceau Illuminati, on va en parler dans quelques minutes. Yes. On le balancera, on vous attend au freestyle. Il y aura du live avec vous aussi ce soir? Ouais, gros live de Orleans. Et bah, loupez pas. Petit freestyle à la fin. C'est dans un instant avec Dossé, notre invité, et on revient juste après. Ladies and gentlemen, Sk Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Planet Rap avec Dossé sur Skyrock. C'est Dossé notre invité ce soir avec beaucoup beaucoup de monde venu d'Orléans. Il y aura un gros live d'ici quelques minutes, un gros freestyle à pas louper. Dossé, juste avant de passer au freestyle, au live aussi dans l'émission, on va balancer un morceau qui s'appelle Illuminati. Ouais, Illuminati, ouais. Qui ouvre d'ailleurs le projet Perestroïka. C'est l'intro du projet. C'est un morceau que t'as balancé il y a quelques semaines, quelques mois de ça. Ouais, ouais. Tu veux dire un petit mot dessus sur Illuminati, le titre choisi justement d'Illuminati? Bah, le titre justement c'était un peu pour exprimer ce truc là que tu sais, dès que dans ta carrière ou en gros dans ton projet tu passes un cap, les gens ont l'impression qu'il y a un truc que tu rentres dans une derrière. Espèce de matrice, ouais, tu sais que tu rentres dans une secte bizarre. Alors est-ce que tu es dans une secte bizarre, Dossé? Totalement. je suis dans la secte Perestroïka. Ah, ok. Voilà, et ça. Alors ça consiste en quoi? Et à égorger des poulets. C'est produit par Richie Beats, très important à préciser. Richie Beats, et donc la secte consiste à quoi? Égorger du poulet, des trucs. Voilà. Égorger des grenouilles, boire des grenouilles. Son cheval. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vois, et on a une super puissance qui fait que. On n'est pas loin de la même loge, moi, c'est voilà, pareil. C'est ça, aussi, c'est ça. C'est exactement non, ça. Non, mais c'est vrai c'est vrai que le net apporte parfois des choses bien et des choses un peu moins bien. T'as une espèce constamment de complot qui existerait, notamment dans le milieu de la musique. En fait, c'est poussé un petit peu à l'extrême dans tout et n'importe quoi. Tu vois, suffit que dans un clip, tu fasses un signe. Un triangle, un losange ou un rond, direct on va interpréter ça en mode ouais, t'as fait un signe du diable ou un signe chelou. Alors sachant que ça peut être aussi de la provoque, quoi. Ouais, mais même pas, des fois, tu sais, c'est juste que, je sais pas, c'est juste que c'est ton signe parce que ça veut dire A, B, V, tu vois, c'est. Des fois, il y a même pas de problème. Je te dis ça parce que moi, j'ai eu malheureusement aussi la chance d'être traité évidemment d'Illuminati à plusieurs reprises. Moi aussi. Et c'est assez marrant parce que je me souviens en plus de ce jour-là, j'avais fait un espèce de truc avec des cornes, c'est comme ouais, ça. Ouais, ouais. Je le refais à la vidéo. Ah, mais j'ai vu cette vidéo. Tu l'as vu cette vidéo. Et moi, je suis dans la même vidéo, tu vois. Et je fais ça. Ouais. Imprime écran, voilà, il fait les cornes du job. Et alors, je faisais en plus, moi, exprès, pour justement provoquer parce que je savais qu'il y avait toute une attaque en disant le mec est Illuminati, des choses, machin, il doit égorger des poulets, des grenouilles, etc. Donc j'ai fait évidemment exprès de moquer de faire ça et ça a été repris dans une vidéo pour dire regardez, on a la preuve. C'est ça. On a la preuve, il fait le signe du démon. C'est ça le problème des mecs. Donc juste calmez-vous, ne croyez pas non plus tout ce que vous voyez sur le net. Ouais, il y a des choses bien, il y a aussi beaucoup de conneries, beaucoup beaucoup parfois. Donc voilà, fiez-vous à plusieurs sources, pas une seule source. C'est ça. Il y a différentes sources à avoir. Réfléchissez par vous-même sur. Voilà, réfléchissez par vous-même, c'est le truc qui est assez important. Et ce morceau, c'est en tout cas je pense aussi un beau pionnier, une belle. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le truc, le titre, je l'ai pris exprès pour ça. Allez, on va l'écouter maintenant. Illuminati. Après, il y a le freestyle qui se prépare. Freestyle par téléphone. Qu'est-ce que ces négros me veulent? Seigneur, dites-moi ce que ces rebeux me veulent. J'sais pas ce que ces rebeux me veulent. J'crois qu'ils en veulent à ma monnaie. Qu'ils en veulent à ma monnaie. Me faire, ma grande gueule. Voir ma famille en deuil. J'sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. J'sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Maman, j'sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Prennent pour un illuminati. J'sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. J'sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Maman, j'sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Prennent pour un illuminati. Monnaie, chiffre, oseille, bif. Bon chat, réussite, jalousie, boum. Amis, ennemis, famille, fou. Soucis, gamos, délit, vroom. Monnaie, chiffre, oseille, bif. Bon chat, réussite, jalousie, boum. Amis, ennemis, famille, fou. Soucis, gamos, délit, vroom. Vrai négro, faut vrai dire. Gloire à Dieu, mes affaires se concrétisent. Il y a encore peu de temps, j'étais quasi dans le gouffre. Soucis qui rendent ouf, avenir qui sent le souffre. J'étais là bien avant la plupart d'entre eux. Je les ai vus me dépasser, puis monter. Croire qu'ils étaient vraiment importants dans ce jeu. Puis je les ai quittés, flopés, tombés. Pendant ce temps, Yuri devait faire rentrer les dos. La journée comme toi, j'allais me tuer au Vaitra. À la tombée du soir, j'étais avec mon négro Joe. J'ai char à la douane belge, en train de faire un sage bar. Bientôt 30 berges, j'ai toujours pas le mili. Mais je reste persuasif comme un putain de mind mili. C'est pour mes boys, pas des kids comme Billy. Pour mon 45 ans, l'in vice fini. Veni, Vedi, Vici. J'suis béni, j't'ai dit bitches. Dans quelques mois, tout ce game de victime voudra me gober les yux comme des leeches. Leur cœur est bien trop factice, leur œil trop actif. J'prie le Dieu qu'il en immunise ma team. Ils ne verront pas le taf accompli, se contenteront de dire que je n'étais qu'un illuminati. Qu'est-ce que ces négros me veulent? Qu'est-ce que ces négros me veulent? Seigneur, dites-moi ce que ces rebeux me veulent. J'sais pas si ces rebeux me veulent. J'crois qu'ils en veulent à ma monnaie. Qu'ils en veulent à ma monnaie. Me faire, mais faire ma grande gueule. Voir ma famille en deuil. J'sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. J'sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Maman, j'sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Prennent pour un illuminé. J'sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. J'sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Maman, j'sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Prennent pour un illuminé. Monnaie, chiffres, oseille, bif. Bon chat, réussi, jalousie, boum. Ami, ennemi, famille, fou. Souci, diamant, délice, roum. Monnaie, chiffres, oseille, bif. Bon chat, réussi, jalousie, boum. Ami, ennemi, famille, fou. Souci, diamant, délice, roum. Qu'est-ce que ces négros me veulent? Qu'est-ce que ces négros me veulent? Qu'est-ce que ces rebelles me veulent? Qu'est-ce que ces rebelles me veulent? C'est Dossé avec ce morceau qu'on retrouve sur le projet Perestroïka, le morceau Illuminati à l'instant. Ouais. Les messages avec le hashtag Dossé sur Skyrock, vous les balancez évidemment. Dossé sur Skyrock. Dans quelques minutes du live, il y aura aussi un autre morceau. On va faire un petit retour en arrière, c'est ça, Dossé? On va voir. Ah. Là, pour l'instant, faut juste que Richie en place une. Et bah, Richie, c'est lui qui a fait la prod. Qui a signé la prod d'Illuminati. Ça va bien, Richie? Ouais, ça va, et toi? En pleine forme? Ouais, ça va, cool. Donc, c'est toi, il y a combien de prods de Richie sur... Il y en a trois en tout. Il y a trois. Ouais, ouais, deux, Illuminati. Article 22 et Yuri Nekrovski. Bon, alors bosser avec Dossé, bien? Ouais, calme, ça rien à dire. Grand fan du monsieur et ça fait plaisir, tu vois. Comment tu bosses par exemple avec un Richie Beats? Bah, par exemple, Illuminati, on était. Non, avec Illuminati, pour Illuminati, on était en studio. On était en studio ensemble. Et on a commencé à bosser un truc. Ouais. On a fait ça vraiment sur le. Tu vois? Ouais. Instinct. Exactement, instinct. Ouais, carrément. Mélodie et tout. Toi, tu préfères bosser comme ça aussi avec l'artiste directement? C'est mieux. Mmh. Ouais, c'est mieux. Ça, on a la vision de l'artiste et c'est plus facile. Parce que je suppose que t'as déjà aussi pas mal de prods de côté. Il y a des. Ouais, bien sûr. Quand on dit par exemple que tu vas bosser avec Dossé, tu dois avoir quand même des idées de dire, ah, tiens, je vais proposer plutôt celle-ci que celle-ci. Ouais, c'est très bresson. Le frangin est très bresson. Donc t'as ça de côté? Ouais, toujours. Bon, tout va bien sinon? Tout va bien. Beaucoup de sorties, il y a d'autres prods qui arrivent. Beaucoup de sorties, ouais. Là, on taffe sur le projet Skrilly Boy là, qui va sortir bientôt. Là, prochain projet, Elinas. J'ai fait une prod sur DUC, Booba. Qui arrivera au mois d'avril. Hein. Au mois d'avril, ouais. Donc voilà, ça se passe. Bon, bah, c'est le mec, c'est Richie Beats qu'il faut avoir dans les oreilles. Et c'est lui qui a signé donc trois prods sur Perestroïka. C'est ça. Et avant de passer à un titre, qu'est-ce qu'on mettra dans quelques minutes? On va juste faire un petit inversement de plan. De situation. On va passer Scarla. Scarla? On va passer Scarla et après on passe au live. Donc on balance Scarla maintenant sur Skyrock. On fera par thérapie. On fera le freestyle par téléphone. Malheureusement, on devait avoir en freestyle par téléphone Yessima de Granville. Je pense qu'on la passera demain parce qu'on est déjà 13 à la bourre. Okay. Donc là, on va balancer le morceau Scarla. Après, il y a un gros live qui se prépare. C'est le Planète Rap de Dossé. J'ai prié. Nickel était le blaze là. La dernière tasse que j'ai plié. J'suis pas un pédaveur. Pourtant j'ai tendance à oublier. J'suis pas un gangster. Mais j'ai fait du sale pour des billets. J'n'étais qu'un dealer à la petite semaine. Plus je vieillis, plus je perds le sommeil. J'ai des problèmes personnels, bref, rien d'exceptionnel. Négro intelligent, même sans être un puits de science. J'traînais dans les caves, mais j'rêvais déjà de grandeur et de puissance. J'pensais qu'on était frères, j'n'ai pas eu beaucoup de flair. J'croyais dur comme fer, que ma réussite allait te plaire. Si t'as autant de couilles que t'as de haine pour Yuri Zer, prends ton keuble, charge-le et laisse ta folie faire. Maman, regarde à quoi j'fais. Réduit. Jette un œil à travers la vie. J'partais livrer mon produit aux quatre coins de la ville. J'bouge pour tout, mais Scarla, j'meurs pour 60 mais j'rappe ma vie de Scarla. Igo, je fais partie du peuple qui s'est fait le plus baiser au monde. Du coup j'ai des envies de meurtre. J'préfère aller me couler un bronze. Igo, je ne sais que foncer sans vraiment savoir où je vais. Plusieurs fois je suis tombé. Personne n'est venu me sauver. Je reviens tout droit du double. Rechargé comme un queuglo. Après m'être recueilli sur la tombe de ma chère, il m'aura fallu le décès de ce que j'ai de plus cher. Pour que ma paire de Jojo foule enfin ma terre. J'espère que le daron est fier quand il me regarde de tout là-haut. Qu'il salue pour moi quelques sonnes père. Le daron à flot, Cyber ou Marjalo. Maman regarde à quoi je fus réduit. Jette un œil à travers la vie. J'pars délivrer mon produit aux quatre coins de la ville. J'bouge pour tous mes Scarla. J'meurs pour tous mes Scarla. J'ris pour tous mes Scarla. J'pleure pour tous mes Scarla. J'suis bien qu'avec mes Scarla. J'représente mes Scarla. J'rappe ma vie de Scarla. Scarla. J'bouge pour tous mes Scarla. J'meurs pour tous mes Scarla. J'ris pour tous mes Scarla. J'pleure pour tous mes Scarla. J'suis bien qu'avec mes Scarla. J'représente mes Scarla. J'rappe ma vie de Scarla. Scarla. J'meurs pour tous mes Scarla. J'pleure pour tous mes Scarla. J'représente mes Scarla. J'rappe ma vie de Scarla. Le morceau s'appelle Scarla, on le retrouve sur le projet Perestroïka avec Dossé ce soir, venu avec du monde d'Orléans, d'Orléans exactement. C'est ça. J'ai reçu des messages où on me dit les rues d'Orléans sont vides, tout le monde doit être dans le studio, c'est vrai. Tout le monde est ici, là. Tout le monde est monté. C'est vrai que c'est pas loin de ça en tout cas. Eh bien branchez-vous si vous nous écoutez à Orléans. Il y a aussi sur l'appli Skyrock, il y a les images de dispo sur le Skyrock FM. Est-ce que tout le monde est prêt pour le live? On attaque Orléans. On attaque Orléans. Orléans avec les costards là, Peperos avec McCoy. Je t'en adore Léon. On le petit ref. Allez, yes. Allez, l'Ordissa est au platine. Ok. Mon chantier Bamos. Hein? Roga. Ok. Vrai drum musique à la prod. Orleans. Ouais. Allez. 45 LS. ALC. Arrête la cave. Je crois, Motolanga. Yoko. En léger de ressort. Team GG. Perestroïka, yes. Allez le chercher. 1-1-1. Oh, suffit. Ok. 1. Oh, le cutcher. Demain par l'autre. Je sais pas d'où sort tous ces pitres, ni ce qu'ils recherchent. Pourquoi ce style, toutes ces pitres, ni tous ces terches. Peut-être n'ont-ils pas d'honneur, ni d'amour propre. Mon rap est un appel au meurtre. La rue me porte. Mauvais garçon qui m'entoure. Je représente, soit la bienvenue dans le four. Vente, conflit et descente. Orleans, 45, capitale de la région centre. Y'aura du monde en enfer. No one is innocent. Ces PD ne prennent pas de risque car ils n'ont pas d'ambition. Faut viser le milliard pour espérer le million. Bitch, cesse tes calomnies. Je suis pas ton micheton. Va donc brûler tes calories en jetant dans de la lave en fusion. Ne badine pas avec nous. Mes soldats fument dans les bois. Laisse une daronne en émoi. Et toute ta clique aux abois. Quatre planches en bois. Tu verras comme c'était trois. Fils de pute en réfoi. Je me bats avec le plus gros cul de la histoire. Yuri Orleans, Orleans. Roule avec les mecs d'Orleans. Orleans, Orleans. Roule avec les mecs d'Orleans. Héros, marron, que cra blanche. Héros, marron, que cra blanche. Vie comme des mecs d'Orleans. Crève comme des mecs d'Orleans. Orleans, Orleans. Roule avec les mecs d'Orleans. Orleans, Orleans. Roule avec les mecs d'Orleans. Héros, marron, que cra blanche. héros, marron, chocra, blanche. Vis comme des mecs d'Orlins, crève comme des mecs d'Orlins. Ma gueule, je réside à la cop dans le quartier plus détesté. Posé sous le rap des pistes par les RG, mais je finirai pas dans la cour de Badassi. Hôtel Ibis, c'est ma coupe de champagne. Que je vide mon sperme dans l'âge d'exerce de cette bitch. ARG, O-double-N-E, des cortèges de Pékin, des gros CRF et des bandits. Bandit, bandit. Négro taillé sous moi, j'ai le produit. Nique sa mère, les raclis, moi je veux des Yankees. Pas ton gang sans moi que si t'es sûr de me caler. N'existe pas mes yep, négro, laisse mon corps sans vie. Les meufs mettent à bouger leur seuf, crème, frappe plus bas, t'es qu'un petit sac de millions. Le poche Panamera, frappe bouillée ta sœur. My nigga, mec avec les sièges chauffants. T'aimes pas, t'écoutes pas mes lyrics hardcore à la Teddy Brock Shot. Teddy Brock Shot. J'connais personne qui peut rap comme Michael Dark on la cop. Dark on la cop. Y'a des thunes à se faire vu que nos schlags n'ont pas décroché. Shit. J'vais baiser le rap comme une puce. J'vais plus jamais décrocher. Orlins, Orlins. Roule avec les mecs d'Orlins. Orlins, Orlins. Roule avec les mecs d'Orlins. Héro, marron, chocra, blanche. Héro, marron, chocra, blanche. Vie comme des mecs d'Orlins. Crève comme des mecs d'Orlins. Orlins, Orlins. Roule avec les mecs d'Orlins. Orlins, Orlins. Roule avec les mecs d'Orlins. Héro, marron, chocra, blanche. Héro, marron, chocra, blanche. Vie comme des mecs d'Orlins. Crève comme des mecs d'Orlins. J'fais la black music. Boyoka, Boyoka. Rosa Park, Cali, Cali. Si le game sourit en R, tu mets sympa. Entrepreneur, des bons proprios. Nourrice, veille sur la marchandise. La VG est bio. Propre, mauvaise manu, faire du sale. Papa est un gangster, Stomy. Mafia, Tony, drogue, extra. Les rappeurs sont maqués. Les rappeurs sont maqués. Hugo Chomaki, Hugo Chomaki. Smoke de la Paki, Cali, Cali. Ram de la Yorkli, Ram de la Yorkli. Bloqué au parking. Que cra RS, que cra RS. Orlix business. Tête mettra dans classe S, Cali. La Paki est pris de vitesse. Fait de 13, fin 2. Microthèse 1, 2. Cali, on baisse tout en 1, 2. Y'a R, la concurrence fin 2. Orlix, Orlix. Roule avec les mecs d'Orlix. Orlix, Orlix, Orlix, Orlix. Roule avec les mecs d'Orlix. Yoga blanche, marron, yoga blanche. Orlix, vie comme des mecs d'Orlix. Rêve comme des mecs d'Orlix. Orlix, Orlix. Roule avec les mecs d'Orlix. Allez, Orlix, Orlix. Roule avec les mecs d'Orlins. Mardino, marron, chocra, blanche. Héro, marron, chocra, blanche. Vie comme des mecs d'Orlins. Crève comme des mecs d'Orlins. Allez, tous, VRC, Orlins. Vamos, cousin. Va le chercher, on vient le chercher. Orléans, Orléans, Orléans, Orléans. Quel est tous les rangs. Tous les rangs quartiers, cousin. Après, on est ensemble, mon gars. Allez, allez. Numéro 1, t'as choqué. Dossier. Bisous, Mike, dédicace 13. Ok, c'est parti pour le freestyle. Bassirou. Ok, Bassirou Zer. Yeux, Bassirou 9-2, Nanterre. Le bongo, on dit quoi? Beaucoup de départ, on dit quoi? Reste trop carré, dossier son de sortie. Bassirou et 9-2 sont de sortie. Sortie. La Tongueule et Pablo sont de sortie. Sortie. Le Peperos, Maca, ils sont de sortie. Sortie. Tu pars sur la planche, t'as le nez sur la blanche. Je traîne de l'os, Pablo, à la cité des anges. Un pour mon 9-2, deux pour les cabochards. Trois pour ceux qui savent bien que j'racque mieux tous ces clochards. Force à mon frère au prouesse qui vient juste de béton. Bientôt le retour à Lorieux, mon négro, nous le souhaitons. J'suis tout neuf et tout vrai, pourtant j'ai de la bouteille. Tu dis au chef ce que tu fais et on sait plus où t'es. J'force un peu moins sur la pluie pour que tu me comprennes. Tu voudrais que je règle ta mère de pute pour qu'on me retienne. Tous gagnent, tous paillent, tous payent. Que des chiens dans cette tous par one et tous sait. J'suis avec Rimka et Boubou des papes dans les hautes scènes. Tu sauras jamais où j'ai mal même si tu vois où j'saigne. Dans le 9-2, y'a Basse et la Bongueo. Les petites caillasses, si tu roules un monde, ok. Dans ce Perestroïka sont de sortie. Bassirou et le 9-2 sont de sortie. La Bongueo et Pablo sont de sortie. Rimka et Max et Boubou sont de sortie. Karana et Teddy sont de sortie. Perestroïka, dans ce et de sortie. Ils t'ont dit quoi? Ils descendent de keuf, un frère en tôle. Encore une mère en pleurs, les négros ne pensent qu'aux tuiles, les négros regarde plus l'heure. Les fils de pute parlent mal, ils se prennent pour des monuments. Le minimum, une paire de Nike. J'raconte ma life au Money Mike, boy. Le rap c'est chaud, là il serait temps de libérer mes gars. Les Ingles veulent venir dans cette merde et fuir le Sénégal. Les keufs nous piétinent au sol, c'est ça un coup d'état. Pour voir la vie en 3D, pas besoin d'aller au cinéma. Les trous du cul dans du cali, c'est roulant grosse caisse. Tu l'aimes pas, panique lui, c'est mort et fais le nez. Hez, lit superposé à 10, moi j'ai grandi dans la haine. J'ai jamais détesté le daron, même s'il y avait pas tant. Hez, l'amitié c'est comme un téléphone fixe. Tu t'écartes trop, bah ça marche plus, on t'appelle plus et nique ta mère, please. J'ai voulu sortir jouer dehors, je suis tombé dans le vice. Des tirs au but, la drogue, la thune et c'est sale pute. Aucun rappeur d'Orleans m'a fait gratter un feat. Pourtant ils connaissent le son, ils kiffent, c'est automatique. La vie de ma mère, le jour où ça pète, venez pam. Pubs avec du jaune, tu fais plus de blé que miel, Pops. Et ouais, tu l'as senti. Punchline, ton S-line, c'est un sondi. Airline, Agip. Tu veux une dose, mets-toi sur le carreau, je te pique. Roulage, joue un 4, feuille, fuck, le trèfle, ton cœur palpite, gros. Le rap passe à la trappe, c'est que de la merde, la vie de ma mère. On me dit un jour, si ça s'arrête, Agip, y'aura plus quoi. Les keufs ont cassé ma porte, ils se chargent de flingue. Et non, Yves, la conseillère d'orientation, nous la mise pas en analyse. Ah! Si, si, 45, 45. La dédicace à tous, c'est des salmons. Check, de l'air. Dalle. On vient cliquer ça, ma Dox, Dox, Dox, Dox d'Orléans, mon frère. Si, si. Ouais, Orléans, mon foiré. Bah, ouais, on arrive, ça va kicker salement. Check, ouais. Valeur Dieu, c'est mort. Je suis venu tout fracasse. Dans le studio, ça bordait, je traverse terrain comme Lucas. Tu pars au bled, oublie pas les podcasts. Les potes c'est bien pour me défendre, je préfère un avocat. Inexistant comme la concu, je vois que des junkies. On se croise à ce stage en patinoire, pas dans les maquis. 45 partout, je vais, moi je fais demander un ballot. Je t'avoue que t'es une salope, j'avouerai que je suis un salaud. Je suis une torche humaine, le DJ se brûle les doigts. On apprend du maître, on imite pas, regarde tais-toi. Laisse-moi faire les fous, tout ce qu'on veut c'est faire les sous. La charge du zoo, j'ai herdé avec dose de bosque et sous. L'argent n'a pas d'odeur, mais mes mains sont sales. Tout est gars enfin, mais moi j'ai la dalle. Ils m'observent de partout comme c'était la Joconde. Paye mon or, paye mon nature, mais paye-moi la seconde. Si, si, 45 doses, billet, bleu, bleu, bleu. On se bacoye, on se bacoye. Perestroïka, perestroïka, perestroïka, perestroïka, perestroïka. Le roi Roga Roga, autrement dit le ministre de la soie. Je ferai la fête quand je serai riche. Riche, je suis bon qu'à niquer des sœurs et je m'en tape de savoir qui est le frère de qui. Qui père de Balenza et moi quand j'arrive dans le club, c'est jamais sans la finesse. Finesse. On charbonne toute la semaine et le week-end on gère le cul plus sévère du siècle. Rebeu fragile, lèche des chattes dans la chicha, c'est pas mon problème. Je suis forcé de me faire du biche, fais croquer mes associés avant mon frère. La zone est blindée d'herger, de Taylor à mes deux boucaves. Première louguée, le QG, wesh, que veux-tu qu'on fasse? Un mal pour un bien, j'irai qu'ébra le commerce pour me refaire. J'irai venger la mort de mon frère, mon pote en quitte à finir à freine. Qui va nous empêcher de péter comme au 36 qui est des orfèvres? Une pasteur se suffit pour clame, si j'allume tes grands-parents, tu disparais. Je tape solo peut-être avec toi, tout dépendra de ce que tu me proposes. Mais you vois sous le terrain, t'en peux la dalle. Fait qu'ici personne se repose. Repose. Si je renie les histoires de cœur, de meuf, c'est que j'ai pas de problème cardiaque. Je place le rap français, j'en tirerai des freestyles même si je suis au placard. Le corps est fort, à 350, c'est un père, c'est ton corps. C'est qui rappe comme ça? Et tu m'accordes de la peau qu'on sait quoi. Reste la gomme, mais que ma biche, et j'ai bien tous. Ouais, négro comme la manche, mais tout le monde d'accord. Les cibles, je les reste, bien que t'as pour les fans. Il veut pas qu'on pèse, on agit pas la force. Les gars, mais dis-toi qui est le boss. Que j'encule sa mère, où est le boss? Un jour en flamme sous la tempe, on fait ce qui peut qu'arriver comme tout cap. Y'a que les vrais qui tchèrent à quelque chose. T'es pas pas si t'es pas mon gars. Ok, ok, ok. Peperos, Peperos, Peperos. Ok, Peperos. On gère nos finances. Décide dans 6 mois. Meurs en silence. Bien, bien sinon. Pépé en verrue. Ça pue le sentiment. Peu de centimètres. Pas de sentiment. Ah putain, on a oublié le texte, mais bon, c'est pas méchant. Force à dossier pour la mixtape. Si, si, ouais. Ok, Estroïka. L'heure dit ça, l'heure dit ça. Ok, ok, ok. Passe à la prod d'après. 45 Orléans, dédicace à Carlton. Ah, ah, Jimmy. Ah, Blue Speed. Ah, Joe. Ah, tout le monde, la famille. Ah, c'est le 45 ici, Poto. Salmon et Sarre, les chaises. On est tous ensemble. Dédicace à AKNES. Dédicace à ATC. Ouais, Billy. Père de TN, tu... Envoie un stylo, j'écris ma fracture la masse. Laissez bouffon de rap. Ce bis, au mic talent, tu es comme Iniesta. Je vais les faire cavaler. Mon micro c'est un Uzi, je vais tous les affaler. Derrière moi, mes spartiates pour me brûler. Remballe ton rap, mec, et va te faire enculer. Vas-y, va te faire enculer. Ouais, dans le rap, j'avance, toi, tu recules. Ça se met des bâtons dans les roues pour des thunes. Rafale de balles dans le corps, ça recule. Je mets du pif sur mon bras. Pour l'instant, y'a pas de papier. L'astuce me parle peu. La tête à la bite, à la recherche des postules. Je débute sur face B. J'écris des textes de malade pour saigner cet aspect. Mes vitales dans toute la France, de l'Est à l'Ouest, du Nord jusqu'à la Castet. Si tu te fais péter, donne jamais le nom d'un des poteaux au commissariat. Un patateau au car plat, déche de la conso par lui, envoie lui des mandats. Lesbille, envoie lui des mandats. Carlton, envoie lui des mandats. Joe, Nutella, envoie lui des mandats. Ouais, ouais. On va lui demander. On va lui demander. On va lui demander. On va lui demander. Quand je vois sa galère, j'ai une envie de mettre des coups de crosse. Tu veux de la salade, ramène le butin. Si t'essaies de n'oublier pas, va t'as passé dans le coffre. Voir ma tête à la télé, c'est un de mes butins. Rouler dans des grosses caisses comme Rick Cross. Des mecs ont retourné la veille, j'en connais plus. Moi je reste vrai, la réussite me fera pas oublier. Mais Batan, la live à 19 piches, je les mets tous d'accord, boîte DSG, grosse caisse. Je fais du bruit dans ta tête comme un 700 Raptor. Écoute les passes des bluffeurs, rien qui s'invente des vies. C'est tous des mythos, ils sont bons qu'à pomper le flou à ballon. Le fan de l'essai, une pouca, pas le bâton des pistes. Pète une accélérateur dans le rétro, y'a l'église. Ce bis, on mic pour tous les mecs en lul. Je rentre mon micro dans le cul du matin et je le fais danser. Si t'aimes pas mes sauts, tant pis. Fuck you, ça sera mon poteau, je m'en bats les couilles. Je suis pas le capot des capis, mais si tu touches à la famille, on ferait parler les douilles. Ouais. C'était la session live, un instant. Bisous. Dans le Planète Rap avec Dossé, ouais, frère, qui rétablit le calme ce soir. On va saluer tous ceux qui sont passés au micro. Il y a eu Sébastien Roux. Voilà, donc Sébastien Roux. Bon, qui est longue histoire, l'amitié avant le rap aussi. Pareil. Mais on aura le temps d'en parler dans la semaine parce qu'il n'y a pas trop eu le temps. On devait passer les morceaux, on n'a pas eu le temps, mais vas-y, tranquille. Donc, ceux qui étaient là ce soir, il y avait Peperos, voilà, il y avait McCoy, il y avait Pissour, il y avait Aguib. Aguib, et voilà, et donc il y a Sébastien Roux qui est là. Je vais placer un petit mot là. Grosse force à DOS, Peristroka c'est de la frappe. Et c'est pas parce que c'est de la frappe, c'est un bon gars, c'est un bon Scarla. Il est lourd, allez le pécho, faites pas les timides. Moi c'est 9-2, je suis venu donner la force. Je suis mieux que la Bongueo. Yes. Dédicace à mes gars, putain Nanterre tout le monde. Allez le chercher Peristroka. Merci Fred. On va te retrouver dans la semaine en tout cas. Merci Dossé pour ce soir, merci à vous tous. Merci à toi. Pour le live juste avant de se quitter et de retrouver Diffoul, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Yes. Skyrock t'offre Kev Adams, le comique numéro 1 de la nouvelle génération. La roulette, allô, la roulette. Elodie de Marseille, comment ça va Elodie? Oui, bonsoir Fred, ça en va? En pleine forme, prête à faire tourner rapidement la roulette. Allez, on y va, dès que tu veux, j'ai dit stop, c'est parti. Des places pour aller voir Kev Adams en tournée qui va passer près de chez toi. Et ben voilà, c'est fait. Parfait. Oui, merci. C'est Kev Adams, il y a deux places pour toi. Merci. Et ben de rien, je te fais des bisous. Elodie. Elodie de Marseille. Ciao, passe une bonne soirée. Diffoul est là normalement. Ouais. Un petit peu à la bourre, je suis désolé. C'est pas grave, Fred. On était beaucoup du 45. On a profité de Dossé et du 45, oui, ce soir. Comme tu as pu te rendre compte. Je m'en suis rendu compte. Rentre. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Studio, ouais. Il y a du monde. Ce matin, Fred, c'est le festival. Ah ouais, c'est bon en plus. Putain, je vous ai quitté ce matin. C'est avec un magnifique dérapage. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Il voulait rien dire. Il veut rentrer dans le top bug, Fred. Et ce soir, c'est la même. Je veux détrôner Romano et son top bug. J'adore Romano qui fait des leçons ce soir. Ouais, en plus, lui, attends, il est bien placé. Ah bah écoute. En même temps, c'est toi qui présente Planète Rap, quoi. Eh ben, tu sais de qui tenir, imbécile. Ah. Bah ouais, en même temps, c'est toi qui m'a éduqué radiophoniquement. Exactement. Voilà, bah c'est ça, ouais. Bah, tu es un peu le tuteur de Romano. Ah, c'est ça. Il y a des traces. Il y a des traces. Ton tronc-tronc, pardon. Ton tronc-tronc. Ouais. Le tuteur. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Momo? Qu'est-ce qu'il a, Momo? Qu'est-ce qui se passe? Ah, lâche-moi avec le foot, là. Fou. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a Monaco qui fait 0-0, Momo. Mais on suit le match. Ça va, ils vont suivre le match. Oui. Ah, il me tend le portable, genre 0-0, il faut le dire. Ah, Momo va devenir auteur pour Planète Rap, il va décrire tes textes, c'est comme à la télé. Tiens, Momo, c'est le producteur ou quoi? Ah, mais il me fout le portable en pleine gueule, c'est 0-0, oui, j'ai vu. Oui, 0-0. 0-0 d'avis. Voilà, de toute façon, vous allez faire évidemment un point footballistique. Ouais, bien sûr. Durant toute la soirée. Ouais, il y a quoi? Il y a 11 minutes de jeu, il y a Monaco-Arsenal, donc 0-0. C'est pour la qualification pour les quarts de finale. Allez, Momo, vas-y, va rejoindre l'équipe. Ah non, vas-y, tu peux pas le garder. Garde-le. un peu, Fred. Oh bah, c'est fini. T'as pas, non, mais si je sais pas, t'as pas des petits montages vidéo, du tout. Petite préparation pour demain, Fredo. J'en ai tout. Mais tiens, faites une réunion, un débriefing. Ne meurs pas. Ouais, c'est bon. Ça non, mais j'ai, le débriefing est fait, ça y est, c'est bon. C'est bon. Momo, tu peux y aller. Ouais, il est aussi en train de crever, Momo. Oh là là. Fred s'étouffe. Faut que Momo s'en aille. Bon, bah, Momo arrive, toute l'équipe est là. Radio ouais. Libre 01 53 40 30 20. Si vous voulez passer à l'antenne, bah, c'est dès maintenant. Vous nous appelez jusqu'à minuit et l'on déchire tout avec le nouveau Florida. J'aime bien ça. C'est parti. Allez, c'est parti, ciao, Fred. Ciao. À demain, 20h, et Radio Libre tout de suite. Tous les matins, avec le Morning de...